changeur d'air avec vous jusqu'à 22h. Comme d'habitude, Michel Lacour au microphone, Jean-Philippe Boisbriand fait le choix musical et la mise en onde. Aujourd'hui, on passe de l'Afrique du Nord à la Turquie en passant par Amsterdam où des jeunes font de la musique turque des Français font de la musique turque avec une turque. Et ensuite, on passe au dub. Oui, un peu de dub. En fait, il y a un petit peu de dub et de post-punk pour le reste de l'émission. Mais on y va tout de suite.

anadan dünyaya gelen yolcu. Bir anadan dünyaya gelen yolcu. Görünce dünyaya gönül verdin mi? Görünce dünyaya gönül verdin mi? Kimi büyük, kimi böcek, kimi kum. Kimi büyük, kimi böcek, kimi kum. Merak edip hiçbirini sordun mu? Bunlar neden, nedenini sordun. Ça commençait comme ça, les échangeurs pour cette semaine, avec d'abord Janet Ben El Jab, Jabal, voilà, ou quelque chose du genre, de Steve Sheehan et Bali Otmani. Steve Sheehan, qui est un percussionniste, qui s'est promené un peu, lui. En fait, il y a une mère française, est-ce que c'est lui? Oui, franco-américain. Une mère française et un père indien Cherokee. Ça, puis il s'est promené un peu partout. Il était pilote aussi, alors ça l'a aidé à se promener. Puis là, il était avec Otman Bali, qui est un joueur de lutte et chanteur Touareg, qui est né à Janet en Algérie aussi. Puis qui est le père de Nabil Bali aussi, si cela ça vous dit quelque chose. Ensuite, nous sommes passés à Daman El Arachi, qui nous faisait Yaraye, une chanson sur l'émigration, sur une compilation de Very Best of Daman El Arachi 2018. Alors évidemment, les gens connaissent beaucoup cette chanson-là par la version de Rachid Tahar, et il y en a des versions dans plein de langues. C'est vraiment un très grand succès. Derrière, Yildirim et Group Simsek nous faisaient Davet sur Nem Kaldi de 2017. Elle est d'origine turque, mais qui est née et a grandi à Hambourg, de parents originaires d'Anatolie. Elle joue du saz, qui est un luth avec un grand manche, et elle joue avec des musiciens qui habitent tous à Berlin, mais qui viennent... en fait, il y en a qui sont de Berlin, de Saint-Étienne, de la campagne jurassienne, avec une batteuse anglaise. Alors, c'est ça. Puis le groupe Sinsec, ça veut dire tonnerre, comme Yildirim, qui est le nom de la chanteuse. Ensuite, Gayesu Akiol nous faisait l'Azico sur Isti Krarli Ayal Akit Katir. Oui, voilà. Comme on dit par chez nous, c'est paru en 2018. Gayesu Akyol, c'est une chanteuse turque qui est née à Istanbul. Puis, comme bien d'autres, elle mélange les influences turques et occidentales. Oui, c'est ça. Si vous n'aimez pas ma prononciation, ben, Jean-Philippe, vous pouvez aller dans le blog échangeur.blogspot.com. Vous allez voir les pochettes en plus. C'est pas toujours si évident à prononcer. surtout quand on lit comme ça en vitesse en public. Zelda Bagcan nous faisait yelalar sur Zelda. Voilà que ça se prononce bien. Zelda. Puis finalement, on apprend que ça se prononce pas du tout comme ça. Ça date de 1976. Est-ce que c'est celui-là? Excusez-moi, je vais juste vérifier un petit truc comme ça. Ouais. Aussi, c'est une autre chanteuse turque qui est née dans l'ouest de la Turquie, à Mugla. À Mugla. Alors, 70-71 ans, nous dit-on aujourd'hui. Puis une autre qui a eu passablement de succès, et c'est probablement la raison pour laquelle on la connaît jusqu'ici. On a fini avec Altingon qui nous faisait Yolku sur l'album Jesse de l'ouest tout nouveau de 2019. C'est un groupe d'Amsterdam qui ont décidé que eux dans leur vie, il fallait qu'ils fassent du rock psychédélique turc, en fait du folk rock, en reprenant le style des années 60-70 turc, qui vaut la peine d'être connu. D'ailleurs, on en met quand même assez régulièrement. Puis ils s'appellent Jasper Verhus et Ben Ryder, qui sont, ça fait pas turc du tout, voilà, puis il y a d'autres gens, Gino Groeneveld de Jungle by Night, qui vous dit peut-être quelque chose. Et ensuite, on va s'en aller du côté plus du dub. Ouais, un petit peu de dub, ça fait du bien. Sauter de ton aéroplane. La nostalgie. dark dust howling softly, 6 o'clock. Charcoal light, the fine sight was moving black. The sound was music, mellow, steady flow. And man's on mind just mystic red, green, red, green. You're seen. No man would dance but leap and shake. That shocked you feeling right. Shape that sound, tumbling down, making movement rough enough. Cause when the music met eye taps, I felt the sting, knew the shock. Yeah, had to do and ride the rock. Out of this rock shall come a greener rhythm, even more dread than what the breeze of glory bred. Vibrating violence is how we move, rocking with green rhythm, the drought and dry root out. The mighty poet Iroy was on the wire. Western did a skank, and each man laugh. Him feeling iry, dread eye. Street 66, the said man said, any policeman come here will get some righteous rascal licks. Yeah man, holy pa kicks. Hours beat, the scene moving right, when all on a sudden, bam, bam, bam, a knocking upon the door. Who's that? Ox Western, feeling right. Open up, it's the police, come on, open up. What address do you want? Number 66, come on, open up. Western, feeling high, reply. Yes, this is street 66. Step right in and take some licks. Yeah. step back. So why? So it's nothing. Must be something. Or the other. You can't win. So what? They say why? You say it's nothing. Must be something or the other. Can't win. Ever. Something or the other. If it's not one thing, it's another. Another. You can't win something and the other. It's either this one or that it's nothing. Must be something or the other. You can't win. We'll be right back. Toujours les échangeurs d'air avec vous jusqu'à 22h. Je répète, nous avons un blog qui s'appelle échangeur.blogspot.com, échangeur avec un S. Et vous pouvez voir ce qui a joué, ce qui jouera même. Des pochettes de disques, toutes sortes de choses. Lors du dernier bloc, nous avons eu la nostalgie camarade de Serge Gainsbourg sur Mauvaise Nouvelle des Étoiles de 1981. Évidemment, il y a à peu près tout a été dit sur Serge Gainsbourg, sauf peut-être le fait de dire que Je t'aime moi non plus, c'est classé numéro 1 des ventes au Royaume-Uni, à un moment donné, et c'est un succès inégalé avec celui de Sœur Sourire, probablement pour Dominique, comme ça, et c'est ça, donc, pour des raisons assez différentes, donc, des grands succès de Sœur Sourire et de Gainsbourg. L'autre chose, je suis déjà allé voir au cinéma le film Équateur. Puis, si je compte les deux amis avec qui je suis allé, il y avait une autre personne, nous étions quatre, et il fait chaud dans ce film-là. En fait, ça donne chaud. Seulement de le regarder comme ça. Puis on peut dire aussi que c'est vraiment Boris Vian qui a donné un déclic en disant que on peut faire des trucs drôles, puis on peut faire des trucs un peu provocants et tout ça, et ça a un peu changé sa carrière. Serge Gainsbourg, donc je dis pas mal, tout a été dit sur lui, mais moins sur Scientists and the Roots Radix, sur Scientists and the Roots Radix qui, de 82, qui nous faisait Some Dub. Lui, c'est un type qui a commencé très jeune à vouloir être faire des mix et être ingénieur du son. Il a travaillé avec King Tubby, qui s'appelle Osborne Ruddock. C'est un type qui est né en 60, qui a commencé dans les années 70, donc pratiquement adolescent, il a commencé à enregistrer des trucs et c'en est un autre qui s'est lancé dans le dub à un moment donné pour parce que c'est chouette le dub. J'imagine que c'est un genre qui a grandi à une certaine époque. On en écoutait pas mal quand j'étais au cégep, ça, donc début des années 80, fin des années 70, mais le dub était devenu populaire, moins que le reggae, mais c'était populaire. Street 66, c'était Linton Kwesi Johnson sur Bass Culture de 1980. Linton Kwesi, c'est un poète. Il s'appelle Kwesi. Pourquoi s'appelle-t-il Kwesi? Parce que c'est un prénom réservé aux enfants qui sont nés le dimanche. Alors, d'origine jamaïcaine, mais il a vécu à Londres beaucoup, puis c'est vraiment quelqu'un qui a fait beaucoup d'activisme politique, puis beaucoup parlé des difficultés d'être noir au Royaume-Uni. Puis effectivement, il y avait il y avait, à une certaine époque, encore plus de tensions qu'il y en a maintenant. Maintenant, on entend moins parler de ces problèmes-là, mais à une certaine époque, lorsque lui s'en est mêlé, effectivement, on entendait beaucoup, beaucoup de choses là-dessus, et il y avait un activisme nécessaire pour changer la situation. Linton Kwesi Johnson, qui a fait certaines pièces dub que je préfère, dont Victorious Dub, si vous pouvez tomber là-dessus, j'aime beaucoup Victorious Dub. Invaders of the Heart, Mix One, c'est une... pièce de Jawabal and the Invaders of the Heart sur Invaders of the Heart de 1983. Jawabal qui a reçu sa première basse d'un type qui s'appelle Sid Vicious. Oui, ben évidemment, il fréquentait un peu le même monde, John Lydon. Et Jawabal a été membre de Public Image Limited pendant un certain temps, mais je pense qu'il trouvait ça légèrement chaotique comme groupe. Puis il s'est lancé dans une carrière solo, puis il aimait le dub, surtout à cause de la basse. Lui qui a tendance à jouer de la basse, mais vraiment très grave aussi, sa basse correspondait bien à ce qu'on peut faire avec le dub. Michael Caroli and Polly Eltes nous faisaient One Thing or the Other sur Deluge de 1984. Michael Caroli, c'est un type qui est né en Allemagne, à Straubing, puis qui est décédé en 2001 à Essen aussi, puis il a joué de la guitare, du violon, du violoncelle, puis à un moment donné, il a rencontré Gerd Zucke, qui était son prof de guitare, puis ils sont devenus, tous les deux ont fondé le groupe Can, qui est vraiment le star du krautrock à une certaine époque, puis il a fait un album avec l'artiste reggae Polly Heltes, en quelle année, donc, c'était tout ça? En 1984, voilà. Oui, et Polly Heltes, qui était aussi une actrice. Et nous avons terminé avec The Flying Lizards, qui nous faisait Another Story sur Fourth Wall de 1981. The Flying Lizards, qui ont eu quand même une carrière relativement courte, de 79 à 84, et pas une énorme production non plus, mais le dernier truc qu'ils ont sorti, c'est un album dub c'est ça, qui avait été enregistré avant, mais qui est sorti après à la fin de leur carrière, finalement. C'est un petit peu drôle, c'est sorti Secret Dub Life of Flying Lizard, donc quand même plusieurs années après leur séparation. Et maintenant, on s'en va faire un tour du côté de Vivian Goldman, Annika et toutes sortes de choses. Blood everywhere. soft voice goes on and on. I hate you, I hate you, where did it go wrong? Young Young goes talking to himself on the phone. Young Young sends his men pebbles and stones. Young Young rips his women to things to do and do them. This is your life, crying in the subway. This is your life.

pendant que Vincent Bell nous joue Caravan, c'est le temps de dire que c'est déjà tout pour nous. Ouais. Qu'est-ce qu'on a entendu lors du dernier bloc? Vivian Goldman nous faisait Private Armies. C'est un extrait sur l'album, sur une compilation qui s'appelle Resolutionary Songs de 79 à 82, un truc paru en 2016. Vivian Goldman, qui est connue comme journaliste et écrivaine musicale, qui a écrit beaucoup sur le punk, a commencé sa carrière avec le punk et le reggae. Puis on en a mis quand même assez régulièrement. Elle continue à être journaliste. Oui, c'est ça. Jean-Philippe me dit, surtout qu'elle a deux bonnes tunes sur ça, puis pour le reste, ben effectivement, c'est surtout son travail de journaliste qui est plus intéressant. Annika nous faisait Yang Yang, une tune de Yoko Ono sur Annika de 2010. Elle était journaliste, puis tout à coup elle rencontre le gars de Portishead qui s'appelle Jeff Barrow, et il dit, ah, j'ai besoin d'une chanteuse. Moi, ça m'arrive tout le temps aussi. Je marche dans la rue comme ça, puis je me dis, hey, j'ai besoin d'une chanteuse. C'est ça, puis je le fais pas. Je ne le fais pas, mais elle l'a fait. Puis ça a donné de bons résultats à Annika. Public Image Limited nous faisait Death Disco sur Death Disco de 79, qui est un truc paru en 45 tours. Alors, tantôt, on en parlait, évidemment, parce qu'on a parlé de Jawa Ball. Évidemment, il y avait John Lydon. Il y a beaucoup de monde qui sont passés. Le groupe existe encore. Avec John Lydon, Lou Edmonds, Bruce Smith et Scott Huff. Puis il y a eu pas mal de monde qui sont passés dans ce groupe-là, dont évidemment Jawa Ball, dont on vous parlait tout à l'heure. Glaxo Babies, c'est vraiment très bon, Glaxo Babies. This is Your Life, Put Me on the Guest List de 1980. On en avait déjà mis, mais je pense qu'on va en remettre. Ça faisait longtemps, alors on va en remettre. Annie Anxiety nous faisait Close at Love sur Soul Possession de 1984. Elle a beaucoup de noms. Elle s'appelle Anne Robbie Bandes. Elle s'appelle Little Annie Anxiety Bandes. C'est une New Yorkaise qui fait toutes sortes de choses, chanteuse, fait beaucoup de poésie, de la peinture, etc., etc. Et on a terminé avec The Modern Dance de Père Ubu sur l'album The Modern Dance de 1978, qui a été longtemps mon groupe préféré, Père Ubu. C'est ce que j'avais le plus écouté et j'en écoute encore chez moi comme ça le soir parce que ça me fait plaisir. Particulièrement la pièce Petrified. Alors, si vous pouvez écouter cette pièce. Puis, j'ai toujours beaucoup aimé le travail d'Alan Ravenstein, c'est ça, au synthétiseur. Mais maintenant, c'est le temps de vous dire à la semaine prochaine et sachez que Benoît Arcand est là pour vous faire terrain vague.